que vous avez dites. Mais si vous voulez, je peux le redresser. C'est facile. Non, la clignotant est bonne. Ça vous pourriez peut-être faire circuler un peu. Ouais. Mais attendez, attendez. Je me demande. J'arrête le moteur. Une seconde, voulez-vous? Ouais, ce que je vous en dis, c'est pour vous. À cause de l'échappement. C'est pas recommandé. Ni pour les tapisseries, ni pour les peintures. C'est bon, arrêtez. Après tout, si un jour je me ravis, j'arriverai bien à me débrouiller. Hein. Ouais. Pour la manœuvre, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Oui, oui, soyez tranquille, je saurai m'en tirer seul. Oh, remarquez que c'est pas de la mécanique compliquée, hein. Ce qu'on demande à ces engins-là, c'est d'être robuste. Et question solidité, le vôtre, il craint personne. Hein. Surtout pour ce que vous allez en faire. Pensez que c'est un Minotaure, c'est la meilleure marque qui existe. Ça, un Minotaure, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Ah ça, il est certain que c'est une belle machine. Ce matin, quand je l'ai vue dans votre remise, elle m'a tout de suite fait très envie. Si on m'avait dit qu'un jour, je livrerais mon tracteur à la troisième étage de la rue Saint-Dominique. La chose vous paraîtrait encore plus surprenante si vous connaissiez ma femme. Entre parenthèses, je me demande ce qu'elle va dire de mon acquisition et j'avoue n'être pas sans appréhension. Elle a horreur de la campagne. Et quand nous quittons Paris, c'est toujours pour la Cannes ou à Deauville. Des goûts et des couleurs, n'est-ce pas? Tenez, moi j'ai quitté mon village à 18 ans. C'est vous dire que Paris, j'ai eu le temps de m'y habituer. Hein. Eh bien quand même, monsieur Forestier, la campagne me manque. Et à moi donc, elle me manque tellement qu'elle finit par m'obséder. Ah, ce matin, monsieur Mourlon, si vous saviez, quand j'ai découvert votre engin, quand j'ai grimpé sur le siège, j'ai envie de parler comme on parle dans mon village. On est bien assis, hein? Clive, quel bon Dieu! Me la dis pas, je reviens du champ de la Clive, que j'ai pourtant fini par tourner mes 2 hectares de terre. Et salut Philibert, donc c'est dit, tu t'en viens habillé comme un notaire qui vient manger la soupe chez la marquise de Jalny-Goudin. Bah répondez-moi. Hein? Répondez-moi. Que je vous réponde? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah répondez-moi comme un homme de la campagne. Que je... Ah bon? J'ai compris, oui. Tel que vous me voyez, monsieur Forestier. Ah non, non, non, pas de monsieur. Appelez-moi, je ne sais pas, Clovis ou Aurélien. Compris. Tel que vous me voyez, Aurélien. Ah non, non, ne me dites pas vous. Pensez que nous sommes du même village, que peut-être nous avons été à l'école ensemble. Donc vous me tutoyez. Ah, hein? D'accord. Imagine-toi, Brel, que j'arrive chez l'Aristide Poitureau. C'était aujourd'hui le baptême de son dernier. Poitureau, Poitureau, attendant. Ça serait-il pas fait qu'à marier une des filles à Mangebon? Mangebon. Mangebon. Que Mangebon? Mangebon. Quel bel café juste en face des grises, à Lupigny-les-Ambures. Hein? À 15 km d'ici, en tirant sur le bois brillant. Ah non! Oh là là! Le Poitureau que tu parles, c'est l'Étienne Poitureau. Moi, c'est l'Aristide. Sûrement que je te l'aurais mis en tête quand je t'aurais dit qu'il a marié la troisième des filles à Guillaume Machuré. Qu'est-ce que tu viens me baver dans le nez avec les filles à Machuré? Ton Guillaume Machuré n'a jamais eu de fille. T'entends pas ce que je te dis? Jamais eu de fille. Jamais eu de fille? Le Guillaume Machuré? Dis voir l'Aurélien, je dis pas que tu serais tombé fou. Oh, excusez-moi, monsieur Forestier. Ah non, c'est très bien. Non. On s'amuse à enfiler des mots et on se trouve amené à dire des choses. Mais à quoi bon les commentaires? Puisqu'on est sur Guillaume Machuré, je vais te dire une chose. C'est que cette espèce de fumier-là, il est mort, qui me devait 342 francs. T'entends pas ce que je te dis? 342 francs. Et après ça, tu viens là encore me dire qu'il a eu des filles? Ben, sûrement qu'avec un tracteur pareil, c'est toi qui as raison. Rappelle-toi de mon tracteur, il doit rien à personne. Alors, à ton idée, si j'ai bien compris, la Léontine Machuré, ça serait un garçon? Tiens, elle a justement la Léontine. Oh là là! Puis qu'à cause de toi, je m'apprêtais à faire du vilain! À cause de moi! Ah ben oui! Même qu'il allait descendre de son siège plus vite qu'il était monté, celui-là! Aussi vrai que je m'appelle Philibert! Si jamais je descends, pour sûr que tu vas le sentir penser sur ton sale museau d'encore, mais... Oh, monsieur! La sacrée pourriture de Charolles! Qui voulait me faire croire que sous tes habits de femme, t'es quasiment faite comme un homme! Monsieur a vraiment dit ça? Ah ouais? Et même qu'il gueulait deux fois pire qu'un homme! Si je me tenais pas que je t'y ferais cracher ces boyaux de putois, ce foutu calme de Philibert! Monsieur parle drôlement. Monsieur n'est pas malade. Hé, hé, hé, qu'est-ce qu'il venait pas dire? Que ton père, il a jamais eu de fille. Et lui donc, est-ce qu'il voulait pas que tu sois la fille à qui ils ont maturé? Dis-donc, gros sapin, comment tu t'appelles de ton vrai nom? Mais monsieur m'inquiète de plus en plus. Je suis sûre que monsieur a la fièvre. Écoutez, Marguerite, pour l'instant, je rentre des champs sur mon tracteur et je m'appelle Aurélien. Alors appelez-moi Aurélien, soyez dans le coup. Ah, parce que monsieur est monsieur? Oui. Oh, ben monsieur voudra bien m'excuser, j'étais pas du tout, moi. ça y est, maintenant, j'y suis. Dis-y, comment tu t'appelles? L'astuce pèse de nez de bosse. Aurélien, le coup que tu viens de me faire, je te le pardonnerai jamais de ma vie. Et au fil vers mon fils. Mais de mal appris, vous êtes tous les deux. Sans venir demander le nom de son père à une fille qu'on sait que justement elle a pas eu de père. Dis donc, Aurélien! Est-ce que je suis jamais venue te mettre dans le nez que ton grand-père était poitrinaire? Pas vrai? Mon grand-père, il n'était pas poitrinaire! Il n'y a jamais eu personne de malade chez nous! Combien de fois que j'ai entendu mon oncle dire en causant de ton père? Oh, ce pauvre Narcisse, il est comme tout ce de chez lui. Sûrement qu'il va pas faire de vieux os. À la saloperie de femelle, de bâtard de fille. Oh! Aurélien! Comment c'est que tu peux me causer comme ça? C'est que tu te rappellerais plus les fois que t'essayais de m'embrasser au fond de l'écurie en fourrageant dans mon corsage, hein? Si je me rappelle, crève-en Dieu! Eh ben, si je te disais... Comment, Marguerite? Vous tutoyez monsieur à présent? Madame était là. Je demande pardon à madame, mais... Madame a vu, c'était un jeu. Un jeu? Vraiment? Eh bien, oui, un jeu. D'ailleurs, tu vas comprendre. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Et qui a profité de mon absence pour installer dans mon salon une pareille horreur? C'est moi qui ai acheté à M. Mourlon cette admirable machine. Et c'est lui qui, sur ma demande, l'a montée jusqu'à l'appartement. Et tu sais, c'est un Minotaure, la meilleure marque qui soit au monde. Gérard! Où est ma table, directoire? Elle me gênait, je l'ai mise dans le débarras. Ma table, directoire! Bon, eh ben, puisque vous voilà en famille, hein, moi je vous donne le bonsoir. Et toujours à votre service. Dites donc, pour votre chambre à coucher, des fois je vous trouverai une lieuse moissonneuse d'occasion, ça. Ça sera pas de refus! Sacré Philibert! Sacré Aurélien! Monsieur Marron, pas vrai? Ah, vous! Hey, j'aime ça, on va saluer à tous. Eh ben, Dieu, mon Dieu! Il y a tout de même de beaux moments dans cette putain de nuit. À nous revoir, hein. Tu as des yeux vraiment distingués. Pour ne rien dire de tes compagnons de jeu. Vous, Marguerite, je vous donne vos 8 jours. Voyons, Irène, ne sois pas injuste. C'est parce que je lui ai demandé avec insistance que Marguerite a accepté de tenir un rôle dans cette espèce de comédie que Mourlon et moi étions en train d'improviser et dont je suis le seul responsable. Soit. Je n'ai rien. Je remercie, madame. Puisque tu es le seul responsable, à toi de réparer. J'y suis prêt. Oh, je ne te demande qu'une chose. Faire enlever immédiatement cette infamie. Pourquoi? Tu trouves que mon tracteur n'est pas à sa place dans cette pièce? Mais pense que c'est un Minotaure, la meilleure marque qui soit au monde. Gérard, je t'en prie, fais-moi disparaître cette horreur. Irène, je parle sérieusement. Pour l'achat de mon Minotaure, j'ai dû débourser une grosse somme. Tu t'imagines bien que c'était pas pour m'en débarrasser aussitôt. En outre, j'ai eu beaucoup de mal à le faire installer chez nous. Il a fallu lui faire grimper l'escalier en pièces détachées. Que le mécanicien remontait là, au milieu du salon. Oh, sois sans crainte, il avait apporté des toiles, il n'y a pas la moindre tache par terre. Naturellement, l'huile et l'eau avaient été vidangées, les roues lavées, essuyées, frottées. Ah, on peut dire que Mourlon a pensé à tout. Quel homme épatant. J'ai passé avec lui une journée extraordinaire. Ah, parce que tu n'es pas allé travailler. Non. En somme, chaque fois que je m'absente pour la journée, chaque fois que je vais à Fontainebleau voir maman, tu en profites pour faire l'école buissonnière. Et quand je vais sortir avec toi, tu n'es jamais libre. C'est vrai. Je suis désolé d'avoir à en convenir, mais c'est vrai. On ne sait jamais si tu es sincère ou seulement si. Sincère. Bon, eh bien, puisque tu es sincère, parle. Enfin, explique-moi au moins pourquoi tu as installé cette horreur dans le salon. Pourquoi? Mais parce que j'avais besoin de campagne. Non, mais est-ce que tu es fou? Mais Irène! depuis que j'ai fait la rencontre de ce tracteur. Ma vie a déjà changé. Je suis moi-même transformé. Je sens qu'il me pousse des feuilles sur le corps. Oh tiens, regarde, une feuille de fraisier. Oh, je t'en prie, hein, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Bon, mettons que j'exagère. En tout cas, cet engin m'aura procuré des joies que je n'espérais plus. La nature m'enveloppe, m'imprègne, me recharge. Et si je grimpe sur mon siège, je respire l'odeur des labours, du foin coupé, des bêtes, du purin. Oh, n'en rêve pas, veux-tu ? Un tracteur. Tiens, j'aurais mieux compris que tu fasses monter une vache dans l'appartement. Non, c'est vrai, une vache, ça serait bien aussi. Oh. Mais mon tracteur me plaît beaucoup. Oh, je sais, tu as la haine de tout ce qui parle des champs, des prés, des bois et des minotaures, naturellement. C'est vrai. Mais à quoi bon revenir aujourd'hui sur ce que je t'ai toujours dit, avant même que nous soyons fiancés ? Outre qu'en toute saison, la campagne me donne le rhume des foins, elle est pour moi dépourvue d'attrait. Je ne suis pas de ces citadins qui s'éveillent à la poésie devant un carré de salade. Ah, le sentiment de la nature ! Amusant, non, la nature. Pour ma part, l'abus d'un arbre me traumatise de telle sorte... Irène, s'il te plaît. Je ne veux pas t'entendre parler comme on parle chez Anaïs de Taillebourg. Ah, tu ne veux pas? Au lieu de dire des sottises, tu ferais mieux de te souvenir de mon sacrifice. Ah, je me demande pourquoi tu as attendu tant d'années pour me le dire. Oh, j'ai plus d'une fois essayé. Je vais te le faire entendre doucement. Mais tu avais l'écorce plutôt épaisse. Épaisse. Épaisse. Et moi, je t'aimais tant que j'étais devenu ce petit personnage souriant, bien disant, dont j'en rougis aujourd'hui devant mon tracteur. Mais ce temps-là est fini, bien fini. Sacré magie de fumée! Après moi, comment l'Aurélien, je serai respecté par les toupies que la cause! Hé, Philibert, on allait! Gérard, descends de cette machine! Je te le demande pour toi comme pour moi. Tu n'imagines sûrement pas à quel point tu y fais pauvre figure, ah, crois-moi! Juché sur ce siège, tu as l'air beaucoup plus paysan que tu ne penses. Mais c'est justement ce que je veux. Rien ne peut me faire plus de plaisir. Et tu t'es trompé si tu as comme vexé. Enfin, pense que l'écart joue. On promet de faire un saut ici en fin de journée, peut-être là, d'une minute à l'autre. Eh bien, je les recevrai sur mon tracteur. Et du haut de mon siège, je leur laisserai tomber sur la tête quelques dures vérités. En somme, tu t'es juré de me pousser à bout. Et à chaque coup d'œil de ce monstre, de cet abcès, que tu prétends m'infliger la vue, sûrement le couronnement de la longue persécution que je subis depuis tant d'années. Irène, est-ce que tu parles sérieusement? Jusqu'à présent, ta cruauté mentale se manifestait de façon insidieuse. D'abord en paroles. Dans ma simplicité, j'avais cru pouvoir te faire l'aveu de mon aversion pour la campagne. Mais enfin, est-ce ma faute si j'aime pas la campagne? Toi, pour me contredire, tu déclarais une fois pour toutes que tu l'aimais. Et par des mimes, par des soupirs, par de feintes migraines. Tu ne ratais pas une occasion de me faire comprendre qu'elle te manquait, que tu en souffrais. Oh, ça, j'ai enduré toutes les tortures. Irène, prends garde que la colère ne t'emporte trop loin. Enfin, tu as compris que rien ne pouvait m'atteindre plus sûrement qu'une offense au bon goût, et tu m'as flanqué cette hideuse et informe ferraille au milieu de mon salon à la place d'un bijou de table directoire, qui est peut-être une pièce unique. Comment peut-on préférer une table directoire à un tracteur? De Marc Minotaure. Gérard, débarrasse le salon de cette obscénité ou je deviens folle. Je sors. J'ai besoin de m'aérer et de prendre du champ sur un entretien qui me paraît lourd de sens et peut-être de conséquences. Mais voyons, tu ne vas pas sortir maintenant. Je t'ai dit que l'écart joue passe à nous voir. Je m'affiche, écart joue. Au moins tant que du stupirait toi, mon Minotaure. Gérard, Gérard. Le dernier mot. J'ai garage. Oh. Allô? Allô? Allô, le garage Bourbon? Monsieur Moudru? Ici, Madame Forestier. Non, pourriez-vous venir immédiatement? Figurez-vous qu'en mon absence, on m'a fait la mauvaise plaisanterie de monter chez moi un tracteur. Ben oui, oui, un tracteur. Dans le salon. Et justement, j'attends du monde. Ah, merci, monsieur Moudieu. Ah, vous êtes un ange, à tout de suite, merci. Marguerite! Madame! Marguerite! Madame m'a appelé? Marguerite! Marguerite, vous étiez là quand le mécanicien a amené le tracteur? Oui. Combien de temps lui a-t-il fallu pour le mettre en place? Attendez. Oh, ben d'abord, ils étaient deux. Ah oui, je me rappelle quand ils sont arrivés devant l'immeuble, monsieur a crié les voilà. Je venais juste de finir de ranger ma cuisine. Il était. Ah ben je me rappelle maintenant. Il était 3h moins le quart. Ah ben, vous auriez dû vous entendre avec la concierge, enfin, interdire l'entrée de l'immeuble. Ah, madame, c'est bien qu'ici, c'est pas moi qui commande. Évidemment qu'à midi, quand monsieur est rentré, qu'il m'a dit qu'on allait livrer un tracteur, j'ai sauté. Oh. Mais quoi, hein? Oh, vite. Allez ouvrir. Ça doit être le mécanicien. Oh! Où sont les garçons? Auprès de la comtesse. Oh, mais c'est vrai! La chose me revient tout à coup, mon petit ange, ma maison unique. Mais où avais-je la tête? Mais voyons, Irène, c'est sans importance. Oh. Oh. Maman me fait de ses frayeurs. Elle me tue. Oh. Venez vous asseoir. Oui. Ah. Figurez-vous, oui, qu'il nous est arrivé. Michou! Je vais vous expliquer. Fantastique! Oh, ça, c'est une trouvaille sensationnelle! Mais regarde, Moumou! Regarde! Oh, je n'ai pas assez Dieu! Je suis sans voix! Mais c'est d'une effrayante beauté! Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau! Mais vraiment, vous trouvez? Comment si je trouve? Écoutez, c'est bien simple! Je suis sûre de n'avoir jamais rien vu qui aille aussi loin! Michou! Le fait est, c'est que ça va loin! Ça va très loin. Je suis ému, trop ému pour pouvoir exprimer maintenant ce que je ressens. C'est si riche, si complexe. Ça vous entre dans l'œil. Ça vous entre dans l'âme. C'est tout un monde qui s'éveille en vous. Il y a là une perfection dans la réussite. Et disons le mot, quoi, allons-y. Une grandeur, une grande grandeur. Devant laquelle on se sent très humble. Exactement ce que j'aurais voulu dire et que je ne trouvais pas. Oh, quel poète! Quel poète! Oh, maman, voyons, maman. Cher Michou, un très grand poète. Michou, mon trésor, il faut que je t'embrasse. Je t'adore, elle est bête. Oh, la grandeur de ça! Plus j'écarquille les yeux, et plus je m'amenuise, bientôt je n'existerai plus écrasé par tant de beauté, par tant de grandeur, par tant de génie aussi. Mais parfaitement, par tant de génie aussi. Ah non, je vous en prie, ne exagérez pas. Ah non, Irène, au diable de la modestie. Voulez-vous que je vous dise, mon petit chou, votre trouvaille aura fait le tour de Paris avant qu'il se soit écoulé 3 jours. Vous allez être les rois de la saison. Oh, vous plaisantez, Michou, les rois de la saison? C'est vraiment trop facile. Donc tu l'entends? Alors, on fait voler en éclats les notions séculaires de l'ameublement et de la décoration, et pour conclure, on vous déclare que ce serait vraiment trop facile. Et vous dites ça avec un naturel, vous savez. Ah, mais ça n'aime pas monter la tête, rester objectif, voilà tout. Je sais trop bien ce que des esprits prétendument positifs vont... Laissez-les dire, mon petit. Laissez-les parler et regardez plutôt votre chef-d'œuvre. Je trouve que vous ne le regardez pas assez. Ça, je reconnais que là, planté au milieu du salon, il a une certaine allure. Oh, c'est trop joli! Une certaine allure! Alors vraiment, vous trouvez... Ah, cette fois, vous vous moquez de moi, rire! Oh, mon petit ange, ma maison unique, comment osez-vous dire une chose pareille? Mais nous sommes transis d'admiration, Irène, une certaine allure. Vous êtes un chou, hein? Maman, petite mignonne, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tout à coup, je viens de ressentir étrangement sa présence. Non, mais regardez-le! Regarde Michou! On a envie de l'adorer, de se mettre à genoux devant. Ce qui me bouleverse, c'est l'en-soi de cette chose-là. Oh, c'est vrai! L'en-soi! Mais on sent très bien qu'on pourrait se mettre à délirer. On est au bord d'un pic, d'un abîme de poésie. En fermant à demi les yeux, je le vois dans l'espace, comme s'il plongeait dans une aura de poésie. Oh, ma petite maman, ça, je suis désolé de n'être pas d'accord avec toi, mais parler de poésie ne me paraît pas assez fort. À mon avis, nous sommes dans l'au-delà de la poésie. Et c'est bien le miracle de cette formidable présence que tous les univers, en leur globalité, s'y trouvent bloqués dans la torridité de l'en-soi. Tu me comprends, Riretsu ? Bien sûr, mon Michouchou ! Tu as le don des éclairages avec toi. Tout est limpide, hein. L'au-delà de la poésie, c'est tout à fait ça. Oh, mais c'est ça, hein. L'au-delà de la poésie, tout s'éclaire. Irène, une question. Je vous en prie. Cette chose fantastique, vous arrive-t-il de la nommer ? J'y répugne fortement, mais enfin, je ne me dissimule pas que c'est un tracteur. Êtes-vous sûr que ce soit un tracteur ? Irène ? Rirette ? Mon petit chou en sucre de canne, je te répondrai simplement, je ne sais pas. Bravo ! Bravo, mais pas vous, Chérie ! Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous comprenez maintenant ? Je vous avoue que... Mon petit pousset, nous sommes sur la voie, nous t'écoutons les nous t'en bien. Quand vous voyez un tracteur au milieu d'un champ ou dans la cour d'une ferme, vous n'éprouvez rien de singulier. Ce n'est pour vous qu'un tracteur, qu'un outil dont vous saisissez immédiatement la destination. Vous direz alors qu'il est fonctionnel. Fonctionnel, exactement, ça fonctionne. Mais si ce même tracteur se trouve dans un salon, il cesse évidemment d'être fonctionnel. Rien de ce qui l'entoure ne vient suggérer sa fonctionnalité. C'est alors que, frappé d'inertie sociale, il acquiert la dignité de l'objet qui prend possession de lui-même. Il devient fantastiquement soi, rien que soi. Il est l'objet pur, il est l'objet absolu, il est l'objet. L'objet. Oh, il prend maintenant pour moi tout son sens. Ce n'est pas à moi de le dire, mais tout de même, quelle beauté. Ce qui est amusant et tout de même un peu émouvant, c'est qu'autour de lui, rien n'existe plus. Tenez, regardez votre petit utrilo. Quelle beau figure il fait, hein. Non, mais il a la main d'arbre. Ridicule. Il a l'air d'un vieux torchon. Oh, j'en suis malade. Oh, Irène, je vous demande pardon. Ça, en fait, j'y pense. Oui, Gérard. Mais c'est vrai. Nous n'avons pas vu Gérard, mes chouchous. Nous n'avons même pas vu que Gérard n'était pas là. Mais comment est-ce possible? Mais dites-toi bien que nous avons reçu un choc, mon chou. En fait, que pense-t-il de l'objet?